Go on. Eat. Beautiful is our imagination. Broke the nation, broke the nation, broke the nation. Broke the borders, the borders. Broke. The imagination. Ce qui est important, c'est qu'on marche. tu marches, que tu fais ton chemin. Puisque chemineur, tu marches et que tu feras ton chemin. À la place, montre-moi ton musique. Montre-moi ce qu'il y a dans ton âme. Donne-moi ces sons qui font vibrer les poissons dans l'eau. Comme si tu pouvais aller te baigner à l'intérieur de tous ces océans. Pouvoir aller au plus profond et pouvoir, comme si tu pouvais respirer à l'intérieur de cet océan. Je veux sentir l'océan, je veux sentir la pluie, je veux sentir le sable qui marche sous mes pieds, je veux sentir la terre qui grouille et pas moi qui marche sur la terre, je veux sentir que tout est là et qu'on fait partie de tout ça. Est-ce qu'on serait pas un petit peu un tout? On a été quitté. Tu m'as quitté. Qui es-tu? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi m'as-tu quitté? Ne me quitte pas, parce qu'il est hors de question que moi j'y vive comme ça. Je veux pas vivre comme ça, parce que non, je veux pas. Parce que franchement, la vie c'est pas fait pour être seul. Non, je veux pas vivre seul, mais ça vivre comme ça, parce que du coup, non. Para tomar un